بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهذا درسنا 42 في المورد العذب الزلال إن شاء الله للشيخ النجمي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. فخيرنا الله عز وجل سنطخو 42 كور دون السورس ديليسيوز يابوندون للشيخ النجمي رحمه الله. ووقفنا في الفقرة التي قال فيها الشيخ: والأصول الستة أو الصفات الستة كما ترد في خروجهم هي تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا الصلاة ذات الخشوع والخضوع. ثالثا العلم بالفضائل للمسائل مع الذكر. رابعا إكرام المسلم. خامسا تصحيح النية. سادسا الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ. Donc nous nous sommes arrêtés à ce passage où Cheikh Najmi rahimahullah nous a cité les six fondements, ou là ce qu'ils appellent maintenant les six sifat, les six attributs, parce qu'ils ont changé le terme fondement quand ils ont vu que les hommes de la sunna les accusaient d'avoir changé les piliers de l'islam, les cinq piliers de l'islam, par leurs six fondements. Et ils ont appelé ces fondements maintenant les attributs, les nobles attributs qu'avaient les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, ou certains attributs qu'avaient les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc le premier fondement, c'est le fait de parfaire la noble parole et la parole sublime qui est digne d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, la prière avec la concentration et dévotion. Troisièmement, la science. La science des vertus et non la science des sujets de la jurisprudence. Et ils appellent ça la science des vertus et non la science du sujet de la jurisprudence avec l'invocation. La science avec l'invocation. Mais il s'agit de la science des vertus tout simplement. Quatrièmement, honorer le musulman et être généreux avec le musulman. Cinquièmement, authentifier son attention. Sixièmement, prêcher vers Allah et sortir sur le sentier d'Allah selon la voie et les fondements du tabligh. فكما سمعت أخ الإسلام هذه الأصول يريدون تحقيقها في كل تبليغ. أنت إذا سمعت الأصل الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله تعجب بها، لكن التبليغ لا يريدون منها التوحيد، ولكن يفسرونها على طريقة الصوفية كما سيأتي بيان ذلك من كلام الشيخ النجمي رحمه الله. فكونهم يضعونها أول أصل لا يفيدهم، فهذا فقط شعار أجوف لا ينتفع الإنسان به. Donc, tu as entendu, frère, en Allah Azza wa Jal, les six fondements du tafrir qu'ils veulent que chaque tablighi accomplisse dans sa vie. Et quand tu entends le premier fondement, ni digne d'être adoré qu'Allah et Muhammad et le messager d'Allah Azza wa Jal, tu es séduit. Mais les tablighi, ils ne veulent pas avec le monothéisme. Car il lui donne une autre explication qui est une explication soufie, comme tu vas l'entendre des éclaircissements d'El Cheikh Najmi, rahimahullah. Le fait d'avoir mis ce fondement au début, ça leur sert à rien. C'est un emblème tout simplement. C'est un emblème vide. Et l'être humain, ça lui sert à rien. Limada akhal islam, li annahum la yufassirouna at-tafsir salafi sahih. ولا يربون أتباعهم على هذا التفسير السلفي الصحيح بل يربون أتباعهم على تفسير صوفي. Donc, pourquoi, frère en Allah, Azza wa Jal, ça ne sert pas à la personne? C'est parce que il ne lui donne pas la définition salafi authentique à cette sublime parole qui est digne d'être adorée par Allah, Azza wa Jal. Et il ne dit pas leurs disciples sur la réelle signification de la ilaha illallah. Mais ils éduquent leurs disciples sur une interprétation soufie. فلو كانت التبليغ تشرح هذه الكلمة لأتباعها شرحا صحيحا وشرحا سلفيا يبين مدلول هذه الكلمة إثبات الإلهية لله عز وجل ونفي الشرك عما سوى الله وأن الله هو الإله الحق وأن ما سواه إله باطل ثم يشرحون لهم العبادات وأنواع الشرك لو يفعلون ذلك لقال أهل العلم هذه جماعة طيبة لأنها تبدأ بالتوحيد وتبينه لأتباعها لكن مع الأسف الشديد يضعون هذه الكلمة في أول البرنامج ثم يحرفونها ويفسرونها تفسيرا باطلا وهذا لا يفيد بل يضر فهون الله عز وجل. Si Jama'at Tabligh expliquait la parole sublime à ses disciples, une explication avenante, une explication salafi, une explication qui correspond à la signification qu'avait Muhammad alayhi salam et ses nobles compagnons, et si ils orientaient et ils éduquaient leurs disciples sur les significations de la ilaha illallah, qui est le fait de confirmer l'adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal et de s'éloigner de toute forme d'associationnisme et que Allah c'est le seul digne d'être adoré et que tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal c'est faux. Et s'ils expliquaient comme il se doit les adorations et les différentes formes de l'associationnisme à leurs disciples, les hommes de science auraient dit de ce groupe que c'est un bon groupe. Parce qu'il commence avec le monothéisme, parce qu'il enseigne le monothéisme à ses disciples. Mais malheureusement, ils mettent ce titre au début du programme et après ils lui donnent une autre signification. Ils lui tournent son sens. Ils lui donnent une signification qui est fausse, qui fait plus de mal que du bien. Fa frère en Allah Azza wa Jal, isma' qissati ma'a ahadihim fi shamal Faransa. وهذا من قديم معهم منذ أكثر من 20 سنة. فكنت قبل أن أتزوج أسكن في الفوي هذا، فأتى إلي ورغبني بالاشتغال بالشعوذة والسحر. قال أنت تسكن قرب منازل كثير فيها الأخوات والإخوان الجزائريين ويحبون الشعوذة، أنا أعمل لك الإشهار، وفي ظرف شهر أو شهرين نحوز على 200,000 فرون ولا 400,000 فرون. فأنت انظر أخي الإسلام إلى ماذا يوجهني هذا الرجل، وهو تبليغي ومجتهد عندهم ومن قدمائهم. والرجل هذا أتى علي مرة أخرى وقال لي اشتريت بيت الآن واشتريته بالربا. قلت لا تخجل من الله أن تشتري بيتا بالربا. أخذت قرضا، ومرة كان أحد إخواننا الفرنسيين يوزع هذه نسخة من الأصول الثلاثة باللغة الفرنسية. فأعطى أولاده أولاد هذا الرجل ها نسخة، فهذا أتاه وعنف عليه وصرخ في وجهه: كيف تعطي لأولادي هذه النسخة، نسخة الأصول الثلاثة؟ أولادي موحدون ونحن موحدون ولسنا بمشركين. انظروا أنت كيف. فسي maintenant frère en Allah عز وجل un truc que j'ai vécu avec quelqu'un qui est un de leurs anciens. Il fait beaucoup d'efforts chez eux. Et à cette époque, je vivais tout seul dans un foyer, j'étais encore célibataire. Et cet homme est venu me voir, comme il venait. Et il m'a dit un jour: tu sais, tu habites derrière un bâtiment, il y a une mine d'or. Il y a beaucoup de femmes. Et les femmes algériennes et maghrébines croient en la source et la magie. Moi, je te fais de la publicité. Au bout d'un mois ou deux mois, hein, on se fait 200 000, 400 000 francs. À l'époque, c'était en francs. Regardez, est-ce que cet homme-là maintenant connaît réellement là la signification de la ilaha illallah pour venir m'orienter cette orientation? Il est venu me parler ainsi. Et quelques jours, quand je l'ai renvoyé, quelques jours après, il vient me voir, il m'a dit: je viens d'acheter une maison, je viens d'acheter ma maison. Je dis: comment t'as pu faire? T'as pas d'argent. Il a dit: j'ai pris un crédit à la banque. Je dis: ah, tu crains pas Allah, Azzawajal, maintenant tu prends un crédit à la banque avec intérêt. Elle m'a dit: le Qardawi, il a autorisé. Et une autre fois, la même personne réprimandait un de nos frères français qui, à cette époque, il y a ça pour ces histoires, il y a plus de 13 ans maintenant. Hein, il distribuait les trois principes fondamentaux traduits en français. On les distribuait aux jeunes. Et il a donné à ses enfants. Et lui, il a pris ce fascicule, il est venu le voir. Il l'a engueulé. Il a dit: nous sommes des unificateurs, nous sommes des monothéistes. Pourquoi tu donnes ces livres à mes enfants? Mes enfants, ce ne sont pas des associateurs. Et ainsi de suite. Par Allah. Est-ce que ça, c'est digne de quelqu'un qui est un ancien dans un mouvement qui soi-disant fait dawa ila Allah? Hein? Ou si vous avez vu sur l'une des émissions de la 5 ou quoi sur Tablir, vous avez vu comment Ada Abdraouf, comment il lit sur toutes les palettes. Les palettes sont fermées avec le plastique et ils vont soi-disant de la cristalline binite. Et il fait la ruqya, comme il l'a déclaré aux journalistes, 30 euros. Vous avez déjà entendu un de nos plus aïeux faire ruqya et faire déjà le tarif 30 euros. C'est vrai, il n'y a pas de problème de prendre quelque chose. Mais on n'impose pas aux gens. Et on ne décrète pas la hada. On ne décrète pas le prix avant. Et on ne décide pas du prix avant. Subhanallah. Voyez un petit peu. Maintenant, comprenez. Regardez la réalité. Parce que si en voyant comment agissent Abdraouf, c'est l'un de leurs grands. Ils voulaient même réformer le groupe en France. Hein? Ils voulaient ramener un autre style pour que ça corresponde, etc. Mais il s'est fait ramasser par le machaïr, par leur machaïr. Hein? Et maintenant, et même avant, quand il était marié, on rapporte qu'il faisait travailler le jeune pour Ruqya. Fa subhanallah. Et maintenant, je vais vous parler. Je vais vous lire un truc dans le Qawl al-Baligh du Cheikh Twijri rahimahullah ta'ala, qui est un grand homme de science rahmatullah alayh, qui est mort en 1413 et qui a créé un livre extraordinaire. Il s'appelle La parole claire dans l'avertissement contre Jama'at Tabligh. Et je vais vous citer des passages où il parle des grands machaïrs qui tombent dans l'association et qui utilisent la sorcellerie. Et avant de lire ça, je vais quand même vous parler de quelque chose. Ce livre, quand j'ai eu un débat avec Younes, Mentounes leur émir, quand il est venu me voir pour se plaindre de moi et pour me menacer indirectement, hein, il me dit que le Qawl al-Baligh, les enfants de Cheikh Twijri ont... Cette rencontre, ce débat qu'il y a eu entre moi et Cheikh Younes, hein, leur Cheikh, il date d'il y a 13 ans, frère en Allah, Azzawajal. Donc, il me dit que les enfants de Cheikh Twijri ont désavoué leur père. Et certains parmi eux sont allés en Inde pour s'excuser de ce qu'a écrit leur père. À la deuxième édition qui date de 1997, les enfants ont signé un papier à l'ouverture du livre pour dire le contraire. Voici la lettre telle qu'il est, il est signé par 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants, 7 enfants de Cheikh. Abdullah, Mohamed, Abdul Aziz, Abdul Karim, Saleh, Khalid, Ibrahim. تقول الرسالة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد بلغنا نحن أبناء الشيخ حمود بن عبد الله التوجري أن جماعة التبليغ تشيع عنا أن كلنا أو بعضنا قد زاروا الهند واعتذروا عما كتبه الوالد رحمه الله عنهم في كتابه القول البليغ وجوابنا أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم إن هذا إلا اختلاق فأولا إننا لم نرى الهند ولم يذهب إليها أي منا إلى تاريخ كتابة هذه الورقة وثانيا إننا لا نزال على رأي الوالد رحمه الله في هذه الجماعة لا عصبية له ولكن لأنه هو الحق الذي ندين الله به ولا نشك فيه فليبلغ الشاهد الغائب وصلى الله وسلم على نبينا محمد أبناء الشيخ محمد حمود التوجري عبد الله محمد عبد العزيز عبد الكريم صالح خالد إبراهيم donc je vous lis la lettre et cette lettre j'ai envoyé une photocopie à Younes par l'intermédiaire de son beau-frère après les louanges à Allah Azza wa Jalla disent les enfants de Cheikh Twijri disaient il nous a été arrivé à l'oreille comme quoi nous les enfants du Cheikh Hamoud ibn Abdullah Twijri rahimahullah que Jama'at Tabligh propage comme quoi certains parmi nous ou tous ensemble ne sont allés visiter l'Inde et ne sont allés voir leur machaïr pour s'excuser du livre qu'il a écrit notre père qui est la parole claire dans l'avertissement d'Yal Jama'at Tabligh. Il dit notre réponse c'est que ceci, il cite un verset d'Yal Qur'an, gloire à toi ou Allah, ceci est un énorme mensonge. Ils disent premièrement, on n'a jamais vu l'Inde et personne de nous au moment d'écrire cette lettre, c'est-à-dire en 1997, n'a été en Inde. Et deuxièmement, nous sommes toujours sur l'avis de notre père en ce qui concerne Jama'at Tabligh, pas par sectarisme à notre père, parce que c'est la vérité avec laquelle on se rapproche d'Allah. Et on ne doute pas de la vérité qu'a écrit notre père. Et comme quoi ce groupe était carré. Et ils disent, Hafidahumullah, que le témoin l'annonce à l'absent. Et après les salutations sur le prophète alayhi salam, il est marqué en bas les enfants de Cheikh Hamoud Twijri, Abdullah, Mohamed, Abdelaziz, Abdelkarim, Saleh, Khalid, Ibrahim. Regardez maintenant comment ils montent sur le Mashaïr et sur les enfants d'Yel Mashaïr. فأقرأ عليكم القصة الأولى حتى يتبين لكم أن حتى مشايخ هذه الدعوة غارقين في الشعوذة. القصة الأولى قصتان شركيتان إحداهما وقعت من أمير جماعة التبليغ في زماننا وهو المسمى إنعام الحسن وهو الذي مات منذ بضع سنين والقصة الثانية وقعت من أحد كبار التبليغيين في زماننا واسمه عمر برامبولي وهذا كان يقول وسمعت الشريط بأذني إبان الجهاد الأفغاني ضد الروس ظلمنا روسيا لم ندعوها للإسلام مع أن علماء المسلمين ذلك الوقت كان إجماعهم على شرعية الجهاد الأفغاني ضد الروس وهذا عمر برامبولي أفصحهم كان يتكلم وكان له بيان ويبين وقصص وكان يثير له تأثير على الناس في كلامه فكل من إنعام الحسن وعمر برامبولي كل من الرجلين وقع في نفسه أنه مسحور ومن أجل هذا التوهم الشيطاني طلب كل منهما من بعض المشعوذين أن يعالجه فعالج كل منهما بالشعوذة والتعاويذ المشتملة على الشرك الأكبر. Donc, qui coûte la première la première histoire dans ce livre, dans le premier chapitre. C'est deux histoires qui concernent l'associationnisme. Hein? Hada, l'une est arrivée au dernier émir du groupe d'El Tablir, Inam al-Hassan, puisque après lui, il n'y a plus d'émir, c'est resté une concertation entre un ensemble de chouyours. Et la deuxième histoire est arrivée à l'un des grands d'El Tablir à notre époque, qui est Omar Parampouli. Ce Omar Parampouli, j'ai écouté une de ses cassettes, hein, à l'époque d'El, où le combat des Afghans étaient contre les Russes, il disait lui, dans la cassette, « Nous avons été injustes avec la Russie, nous ne l'avons pas appelé à l'islam. » Et ces deux grands hommes, il est arrivé à leur esprit, c'est-à-dire Inam al-Hassan et Omar Parampouli, il est arrivé à leur esprit qu'ils ont subi une sorcellerie. Et par cette illusion satanique, ils ont demandé à un charlatan de les guérir. Et ce charlatan les a guéris avec quoi ? Avec des choses qui contiennent du grand associationnisme. Fasma akhal islam. وقد جاء بيان ذلك في مذكرة أرسلت إلي من المدينة المنورة وهذا نصها. الشيخ حمود توجري رحمه الله تعالى. Il dit, il m'est arrivé l'éclaircissement de cette situation dans une lettre qui m'est arrivée de Médine. Il dit, le texte de la lettre c'est ceci. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد فقد جاءني جميل إلياس ابن الشيخ منير الدين ومعه شير محمد الأمين الهنديان وذكر لي جميل إلياس قصة ملخصها أن الشيخ نعام الحسن أمير جماعة التبليغ قد شك أنه مسحور وقد عالجه أحد تلاميذ جميل من البنغاليين وكان الشيخ نعام لا يعرف أنه تلميذ جميل إلياس وبدأت قصة العلاج هكذا. Donc la lettre dit après les salutations, après la louange à Allah et après les salutations du prophète عليه الصلاة والسلام, il dit, la lettre qui est arrivée à Cheikh Hamoud Toujri, il m'a été annoncé. Il m'a dit, il est arrivé chez moi Jamil Ilyas, le fils du Cheikh Munir Din, et avec lui Shir Mohammed Al-Amini, les hindous. Les deux sont indiens. Et Jamil Ilyas m'a annoncé cette histoire dans le résumé. Et que Cheikh Inam Al-Hassan, donc l'émir de Jama'at Tabligh, a douté qu'il était ensorcelé. Et l'un des élèves de Jamil, qui était un Bengalais, c'est-à-dire l'élève de Jamil, Ilyas, était un Bengalais, et Cheikh Inam, celui qui a guéri Inam al-Hassan. Et Cheikh Inam ne savait pas que ce Bengalais était l'élève de Jamil Ilyas. Et l'histoire de cette guérison a commencé ainsi. قال البنغالي لإنعام الحسن اخلع جميع ما عليك من اللباس وابقى كما خرجت من بطن أمك. البنغالي, l'histoire de cette guérison non avenante a commencé ainsi. Le Bengalais a dit à Inam al-Hassan, enlève tous tes vêtements et reste comme ta mère t'a mis au monde. وكان في غرفة وحوله ستارة مربعة وفي أركان الغرفة أزيار فخارية فيها ماء فدس في كل زير مادة لونها أحمر عند تحريكها تصبغ وفي كل زير شجرة موز. Et il était dans une pièce dans laquelle il est entouré de quelque chose qui le protège, hein, d'une protection. Donc Ilias était dans une protection, et en étant des habits, il était dans un carré où il était protégé de la vue du Bengalais. Et aux quatre coins de la pièce, il y avait des jarres en poterie dans lesquelles le Bengalais a mis une matière rouge quand tu fais bouger cette matière avec de l'eau, et quand tu fais bouger cette matière dans de l'eau, l'eau se colore, l'eau devient rouge. Et dans chaque poterie, là, chaque jarre, il y avait un bananier. فقال البنغالي للشيخ نعم سأقرأ ثم أنفخ عليه وعندما تحس بنفخي اقطع أشجار الموز واحدة بعد الأخرى. Et le Bengali a dit à Cheikh Naam al-Hassan, je vais lire et après je vais souffler sur toi. Et quand tu vas sentir mon soufflement, coupe les arbres que tu as vus, les arbres qu'il y a dans les jarres, l'une après l'autre. وبعد القراءة والنفخ رفعت الستارة وعمل ما طلب منه البنغالي من قطع الأشجار وظن الشيخ أن الماء قد احمر من خروج السحر من جسده إلى الأزيار وظن أنه قد برأ من السحر وأخبر أصحابه وأحبابه وأصدقائه ففرحوا بذلك وهنأوه. يبخل الكتير إلى السفلمون دي بنغالي هذه la chose qui protégeait Naam al-Hassan a été enlevé. Et il a fait ce que lui a demandé le Bengalais en arrachant les arbres. Et il a cru, Inam al-Hassan a cru, que l'eau, au moment où il a arraché les arbres, un par un, que l'eau est devenue rouge par le fait que la magie, la sorcellerie qu'il avait dans son corps est sortie, est allée directement dans les jarres. Et il a cru qu'il était guéri de la sorcellerie. Et il l'a annoncé à ses amis et à ses intimes, et ils étaient contents. وبعده قال البنغالي للشيخ إن السحر يمكن أن يعود إليك في أي وقت وأريد أن أصده عنك إلى الأبد بتعاويذ تكون معك دائما لا تفارقك. Et après cela, le Bengali a dit à Cheikh Naam al-Hassan, la sorcellerie peut revenir à n'importe quel moment et je veux la renvoyer de toi, l'envoyer au loin de toi, à jamais, avec des incantations qui doivent être avec toi toujours. Tu ne dois pas t'en séparer. ثم أعطاه إياها وفيها شرك بواح ومما كتب فيها بحق فاطمة وبحق الغوث الأعظم عبد القادر وغير ذلك. وهذا التعويذ محفور على النحاس وقد قرأه الشيخ نعام الحسن ووضعه في جيبه وفي ظنه أنه عفي في زشده بهذا الشرك الصريح وأنه يحميه مدى الدهر. Et après, le Bengalais a donné à Cheikh Naam al-Hassan Hadi une plaque en cuivre dans laquelle il y a l'associationnisme clair, dans laquelle c'est écrit par le droit de Fatima et par le droit du grand secoureur Abd al-Qadr et ainsi de suite. Et cette incantation, elle est gravée dans le cuivre. Naam al-Hassan l'a lu. Il l'a mis dans sa poche et il a cru qu'il a été guéri dans son corps par cet associationnisme clair et que ceci va le protéger, hein, durant toute la vie. Regardez, si les fondateurs sont comme ça, qu'est-ce que tu veux que ceux, cet ignorant du nord de la France, ne m'ait pas proposé de travailler avec de la magie, de la sorcellerie, de faire du charlatanisme. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Et si les mashayikh étaient comme ça, qu'est-ce que vous croyez de Abdelraouf et autres? Ils ne vont pas gêner non plus, puisqu'il y a de l'argent à prendre. Wa yaqulu Cheikh Twijri rahimahullah ta'ala, thumma inna Omar Parampouli, wa huwa yu'tabaru lisan ad-da'wa at-tablighiyya an-natiq, qala ya Cheikh Naam, inni mashhur kadhalik, fa ma ra'yuka aw 'aliju أو عالج عند البنغالي. فقال له الشيخ نعام إني قد جربت علاجه وهو ماهر في فنه فتعالج أنت عنده مثل ما فعلت أنا. عمر بارامبولي كي considéré comme l'éloquent de جماعة التبليغ et le porte-parole de cette jamaa, et il a de l'éloquence. Il paraît qu'il endort les gens là-bas avec ses bayas le matin, hein, pour les envoyer à travers le monde. Il fait sortir beaucoup de jamaat avec ses paroles. Cet homme-là, avec son éloquence, il a dit à Cheikh Naam, je suis aussi ensorcelé. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je vais me faire guérir si ce Bengalais? Cheikh Inam, Al-Hassan lui a dit, je l'ai testé, j'ai testé son remède, il est excellent dans sa spécialité. Va, guéris-toi chez lui comme je l'ai fait. Regardez, ils se conseillent le faux les uns les autres. فطلب الشيخ عمر البنغالي المعالج وقال له إني مسحور فعالجني. Et Omar Parampoli a demandé le Bengali. Hein? Il lui a dit, je suis ensorcelé, guéris-moi. Regardez, guéris-moi. Qui guérit? C'est Allah. Mais regardez ici. وقال له, il lui a dit, je suis ensorcelé, guéris-moi. Subhanallah. فنظر إليه وفحصه وقال له إنك مسحور. وقد سحرت من أجل أن يخرج التأثير من كلامك فيسمع الناس كلامك ولا يتأثرون به. Regardez comment le Bengali il est intelligent pour avoir de l'argent aussi, hein? Il a une vache à traire, il va la traire, hein? Il l'a regardé, le Bengali l'a regardé, il l'a analysé, il lui a dit, tu es ensorcelé, on t'a fait du sihr pour que quand tu parles, tes paroles n'ont plus d'impact sur les gens. Enfin, parce qu'il sait que Omar Parampoli, ce qui est de plus cher, c'est sa parole. Hein? C'est son bayan, etc. Et qu'il a de l'impact sur les gens. فقال الشيخ عمر والله إن كلامك لصحيح قبل السحر كان الناس يتأثرون بكلامي جدا وبعده كأنهم لا يسمعون كلامي البتة بل إنه لا يتأثر ولا واحد منهم فعالجني يا أخي وقد أخبرتني بمرضي. الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ عمر a dit, par Allah, tes paroles sont justes. Il a reconnu comme quoi le Bengali tombe juste sur la maladie de Cheikh. Subhanallah. Il lui a dit, avant la sorcellerie, les gens étaient atteints par mes paroles. Et maintenant, après la sorcellerie, comme s'ils ne m'entendent même pas. J'ai plus d'impact sur aucun d'eux. Guéris-moi mon frère, alors que tu m'as annoncé ma maladie. Subhanallah. Tu m'as annoncé ma maladie. Regardez. Regardez comment il lui parle. Regardez comment il parle à ce charlatan. Guéris-moi, tu connais ma maladie. Tu m'as annoncé la maladie. Subhanallah. Qu'est-ce que vous voulez? Quel bien peut sortir d'une jama'a dont les têtes sont ainsi? فقال له المعالج عليك أن تطعم 60 مسكينا لمدة 40 يوما من المساكين الذين يعكفون على المقابر. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الشيخ عمر هذا لا أستطيعه وإنما أدفع إليك النقود وتدبر أنت المساكين. وأعطاه لكل مسكين 5 rubiyat. Regardez maintenant. Catastrophe après catastrophe. Après le guérisseur là, le Bengalais, il lui a dit, il faut que tu nourrisses 60 mendiants pendant 40 jours, mais tu nourris les mendiants qui font des retraites spirituelles sur les tombes. Subhanallah. Tu nourrisses des associateurs qui font des retraites spirituelles sur les tombes. Pourquoi Omar Parampoli n'a pas blâmé cette parole? C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'il y a des gens qui se recueillent sur les tombes. Cheikh Omar a dit, ça je ne le peux pas, mais je te donne l'argent et toi tu gères la situation et tu vois avec ces pauvres. Il lui a donné 5 roupies par mendiant. Et après cela, Parampoli a cru qu'il était guéri de sa sorcellerie. ثم ان المعالج اخبره ان العماره التي اشتراها الشيخ عمر في بلده بومباي وتشتمل على 18 غرفه فيها جن فصدقه وقال والله ان ام العيال قد شافته وبنتي راته كذلك. Écoutez maintenant. Allah المستعان. Il y a des choses qui font plus rigoler qu'autre chose, surtout quand il s'agit des têtes fondateurs d'un mouvement qui veut ramener le bien à la communauté. Allah al-musta'an. Sallallahu subhanahu wa ta'ala inna a'udhu bika min al-hawr ba'd al-kawr. Sallallahu subhanahu wa ta'ala at-tabat wal-'afiyah. Wallahi laysat bi shamata, walakin hada halu an-nas wa sallallahu subhanahu wa ta'ala tabbitna wa iyyakum ala at-tauhid wa ala sunnati al-mustafa alayhi salatu wassalam wa manhaj as-salaf salih radhiyallahu alayhim. Et ce guérisseur a annoncé à Omar Parampoli que le bâtiment qu'il a acheté, Omar Parampoli, dans la ville de Bombay, qui contient 18 chambres, il y a un djinn dedans. Et Omar Parampouli l'a cru. Il lui a dit, par Allah, la mère des enfants l'a vu. Et ma fille l'a vu. Subhanallah. Subhanallah. Voyez un petit peu où est-ce qu'on va. Hada, ce sont ceux qui sont à notre tête. Qu'est-ce qu'on dira de ceux qui sont au pied de l'échelle? Et on ne doute pas que nos frères en France et en Europe ne connaissent pas tout ça. Ils ne savent pas tout ça. Ils n'adhèrent pas à tout ça. Mais il faut qu'ils sachent les fondateurs qui ils sont. Et qu'un jour ou l'autre, si ils restent avec ce groupe, ils vont gober, ils vont tomber aussi sur leur tête. Fa'atahu, faqala lahu al-mu'alij, hada al-jillab uddalahu min ta'awid tusna' min an-nuhas. وقيمة التعويد 100 روبية ولكل غرفة تعويد من تلك التعاويد الشركية. Et ce guérisseur, il a de l'argent à prendre. Il dit, ce jeune, il faut des incantations qui doivent être fabriquées par du cuivre. Et la valeur de chaque incantation est 100 roupies. Pour chaque chambre, multipliée par 18 chambres, 1800 roupies, frère en Allah Azza wa Jal. C'est beaucoup d'argent là-bas. C'est-à-dire que ce sont des incantations dans lesquelles il y a de l'associationnisme à l'islam. Fa'ataho al-mablagh al-matloub wa akhadha al-ta'awid wa ihtafadha biha dhannan annaha taradat al-jinn wa hamat al-imarat minhu. Donc il lui a donné la somme demandée. Et il a pris les incantations, les protections là, les amulettes en cuivre. Et il a cru, et il les a gardées, et il a cru que ces incantations, que ces amulettes protège son immeuble maintenant. Wa yaqulu Cheikh Twijri hafidhahu rahimahullah ta'ala wa hadhihi al-qissa anquluha an Jamil Ilyas wa laysat hadhihi al-ahwal ba'idatan anhum hasab ma'rifati bihim wa urajjihu sidqahu haythu la maslahata lahu fi at-taqawul 'alayhim wa ahwal al-qawmi tusaddiquhu. Et Cheikh Twijri de nous dire, et cette histoire je la prends directement du Jamil Ilyas. Et il dit, ce genre de situation n'est pas loin de ces gens-là, selon ma connaissance de ces gens-là. Et il dit, et je mets en valeur et je prends comme véridique les paroles de Jamil Ilyas, parce qu'il n'a aucun intérêt à mentir sur eux. Alors que la situation de ces hommes rend véridique ce qui est cité dans la lettre. La situation sur laquelle sont ces gens-là, les têtes d'Yal Tiblir, rend véridique. Il donne la véracité à ce qui a été cité dans la lettre. فاخ الاسلام انظر واعتبر ايها المسلم بحال من يدعي قياده الدعوه في الامه وهو ياتي هذا الشرك الاكبر هذا الشرك العظيم الذي لا يغفر الله لصاحبه بلا توبه فلا حول ولا قوه الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون. فهنا الله عز وجل دي شادير prend considération toi le musulman. Prends la considération de la situation de ceux qui prétendent être au commandement de la communauté et qui tombent dans ce grand association. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas s'ils se rompent pas. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَتَبَهُ بِخَطِّهِ وَشَهِدَ بِهِ مُحَمَّدْ صِدِّيقْ حَاجِّ سُلَيْمَانْ خريج دار العلوم بديوبند الهند عضو تبليغي سابق لمدة 10 سنوات تقريبا. انتهى كلامه. Et à la fin, il dit, il a été écrit par sa main et il l'a attesté, Mohamed Siddiq Haji Suleiman, qui est diplômé de la maison des sciences de Dioband en Inde, qui était un des membres d'Yan Tablir pendant 10 ans, plus de 10 ans. Fali a'tabir al-musari'una ila l'indimam ila jama'at al-tablir bima dhakarahu Mohamed Siddiq عن أمير جماعتهم إنعام الحسن وعن لسان الدعوة التبليغية عمر برامبولي من استعمال التعاويد الشركية والاستشفاء بالشعوذة والأحوال الشيطانية. وإذا كانت هذه حال أميرهم وكبرائهم فالأحرى بعوامهم أن يكونوا أسوأ حالا من علمائهم وكبرائهم. الشيخ توجري رحمه الله دونودير prenons en considération ce qui accourt pour rentrer dans Jamaat Tabligh, qu'ils prennent en considération ce qu'a dit de Mohamed Siddiq, et ce qu'il a dit Mohamed Siddiq du prince de l'émir de la Jamaa Inam al-Hassan et du porte-parole de cette Jamaa Omar Parampouli, qui utilisait les incantations et les amulettes dans lesquelles il y a de l'associationnisme et qui cherchaient la guérison avec le charlatanisme et avec des situations sataniques. Et il dit, rahimahullah, si ça c'est la situation des émirs et des grands de ce groupe, qu'est-ce qu'il va être la situation du commun? Leur situation va être encore pire, va être pire que leurs savants et leurs grands. Wa yaqulu rahimahullah ta'ala, فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من الانضمام إليهم وتكتير سوادهم ولا يغتر بالجهال الذين استدرجهم الشيطان وأوقعهم في حبالهم وليعلم المؤمن أن الخير كل الخير في التمسك بالكتاب والسنة واتباع ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأن الشر كل الشر في الأخذ بالبدع واتباع أهلها ومنهم الصوفية وأذنابهم من التبليغيين ولقد أحسن الراجز حيث يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الشيخ تويجري رحمه الله de nous donner ce grand conseil, qu'il fasse attention le croyant qui veut être d'un bon conseil pour lui-même, qu'il n'adhère pas à ce groupe, qu'il ne augmente pas le nombre de ce genre de groupe et qu'ils fassent et que les ignorants et qu'ils ne se fassent pas avoir par les ignorants qui ne connaissent pas leur religion, qui se sont fait avoir par Shaitan, qui les a jetés dans le filet de ces gens, et que le croyant doit savoir que tout le bien est dans le fait de se cramponner au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète et de suivre la voie des puiseurs d'Allah alayhim, qui sont les compagnons et ceux et leurs successeurs et ceux qui les suivent à la perfection. Et il dit rahimahullah ta'ala, et tout le mal, faut savoir que tout le mal est dans le fait de se cramponner, de suivre les innovations et de suivre les innovateurs, et fait partie des innovateurs les sophies et leur queue et ceux qui les suivent qui sont les tbléris. Et il cite cette parole d'un de nos puisels qui l'a dit: tout le bien est dans le fait de suivre Salaf, et tout le mal est dans le fait dans l'innovation de ceux qui leur ont précédé, de ceux qui leur ont succédé. وهاكم قصة ثالثة. فأما القصة الثالثة فإنه ذكر عن أحد الثقات السعوديين أنه شهد على سعيد أحمد الهندي رئيس جماعة التبليغ في المملكة أنه ما تريدي وأنه ينكر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. Voici maintenant pour vous montrer la aqida qu'il y a chez les grands du tabligh. Voici maintenant cette troisième histoire citée par Twijri rahimahullah ta'ala, et qu'on rapporte par certains dînes saoudiens qu'ils attestent que Saïd Ahmed Lindou, qui est le responsable du Jama'at Tabligh dans le royaume d'Arabie Saoudite, qu'il est maturidi au niveau de l'aqida et qu'il ne reconnaît pas le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. قال الشيخ الذي أرسل لي المذكرة وقد حصلت لي مع الشاهد المذكور قصة وهي أنه جاءني مستنكرا الكلام في جماعة التبليغ فقلت له إنهم متصوفية وما تريدية لا يصفون الله بصفة العلو فقال وما الدليل على ذلك فقلت له اذهب بنفسك وحاول أن تقف على الواقع فذهب الرجل وبعد أيام عاد إلي وهو يقول إنما ذكرته من كونهم لا يعترفون بعلو الله واستوائي على عرشه صحيح. Donc Cheikh Twijri de nous dire, celui qui m'a envoyé la lettre concernant cette histoire, il a dit, il m'est arrivé avec celui qui témoigne de cette histoire, cette histoire. Il est venu me voir, il n'était pas content des paroles qui ont été émises contre Jama'at Tabligh. Et je lui dis, ce sont des soufis, des maturidis, qui ne reconnaissent pas l'élévation d'Allah Azza wa Jal, qui ne reconnaissent pas l'ulou d'Allah. Il m'a dit, c'est quoi ta preuve? Je lui dis, va toi-même et essaye de voir la preuve et de savoir la vérité. Et cet homme est allé lui-même Et après quelques jours, il est revenu vers moi. Il m'a dit, ce que tu m'as dit, c'est vrai. Ils ne reconnaissent pas l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de son trône. Ceci est vrai. فَقُلْتُ لَهُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ ذَلِكَ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى رَئِيسِ الْجَمَاعَةِ سَعِيدِ أَحْمَدِ ذَهَبْتُ إِلَى رَئِيسِ الْجَمَاعَةِ سَعِيدِ أَحْمَدِ الَّذِي كَانَ يَتِقُ بِي تَمَامَ الثِّقَة لأنني من تلاميذه ومريده فقلت له إني لست في شك في من عقيدتنا وهي أن الله في كل مكان وليس هو في السماء ولكن بماذا نرد على الذين يقولون إن الله في السماء فقال اثرتهم تركهم واثبت على عقيدتك فهي الحق. Et je lui dis, comment tu as connu la vérité? Et il m'a dit, j'étais voir le responsable de la jama'a, Saïd Ahmed, qui avait une grande confiance en moi parce que j'étais l'un de ses disciples. Et je lui dis, je n'ai pas de doute dans nos croyances qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout, mais et qu'il n'est pas dans les, au-dessus des cieux. Mais comment on peut répliquer à ceux qui disent qu'Allah est aux cieux, est au-dessus des cieux? Il a dit, laisse-les et crampons-toi à ta aqida si la vérité. قلت له وهذه طامة كبرى من عقائد التبليغيين وهي إنكار علو الله على خلقه وهذا هو مذهب الجهمية الذين كفرهم كثير من علماء السلف وتبرأوا منهم. Et l'homme lui a dit, à cette personne lui a dit, celui qui a écrit à Cheikh Twijri a dit à cet homme, et ça c'est une grande catastrophe. Tu vois que les croyances des Tablighin, hein, sont basées sur des catastrophes. Et cette catastrophe, c'est le fait de ne pas reconnaître l'élévation d'Allah, Azza wa Jalla au-dessus de tout. Et ça c'est la voie d'El Jamia, que beaucoup d'hommes de science ont décrété la mécréance d'El Jamia. Et ils ont désavoué El Jamia. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني يعني أن خمسمائة من العلماء صرحوا بتكفير الجامية. إيه ابن القيم رحمه الله عليه dans le كافية الشافية dans sa poésie il dit et 500 parmi les hommes de science à travers les pays musulmans ont dit que ils ont décrété la mécréance d'El Jahmi. Il l'alaka et aussi le rapport. Ainsi avant l'alaka et Tabarani. Donc 500 hommes de science ont déclaré la mécréance des Jahmites. وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة كثيرا من أقوال العلماء في تكفيرهم وذكرها غيره من الأئمة الذين صنفوا في السنة والرد على الجامية. إيه عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله dans son livre سنة a rapporté beaucoup de paroles qui rendent mécréants les jahmites. Il l'a rapporté de beaucoup d'imams. Et il a cité beaucoup d'imams qui ont écrit et qui ont répliqué Al-Jahmiya. Évidemment, frère en Allah, Azza wa Jal, ceci concerne ceux qui croient comme Allah subhanahu wa ta'ala est partout et qu'ils ont cette aqida d'être le hulul, etc. Mais on sait que beaucoup parmi nos jeunes de France et d'Europe ne savent rien de tout ça. Et tout simplement, ils se font avoir par la belle parole. Ils ne pourront jamais le savoir tant qu'il ne devient pas une serviette, un torchon. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fait leur grande épreuve, 10 ans après, ou 15 ans après, ou 20 ans après, à ce moment-là, ils peuvent arriver à ce secret. Et ils peuvent grimper les échelons et faire l'allégeance et savoir ces secrets de mes créances qui sont le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Et il est passé avec nous comme quoi l'un des secrets d'El Sofia, c'est quoi? C'est justement qu'il ne divulgue pas ce secret qu'aux leurs, que ceux qui sont Sofis, hein, par excellence. Et en plus de ça, celui qui divulgue ce secret, il a la sentence de mort de la part des Sofis. Islam, hein? Parce que certains pour se dire, mais ceci on le voit pas dans les tabliris de France, etc. Tu le vois pas, Akhal Islam, mais ça t'amène à l'innovation et à faire beaucoup d'actes. Tu n'as pas respecté la sunna de Mohammed alayhi salam, comme nous allons le voir plus tard. Et je te donnerai des exemples parmi les grands machaïrs d'Europe. Je vais te citer que ceux qui t'entourent. Faliyatabir. المسارعون إلى الانضمام إلى جماعة يقول الشيخ تويجري فليعتبر المسارعون إلى الانضمام إلى جماعة التبليغ بما ذكر عن عن رئيس جماعة في المملكة العربية السعودية أنه يعتقد أن الله في كل مكان وليس هو في السماء، وهذا كفر صحيح صريح لمناقضته للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق جميع المخلوقات، وأنه مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. فهنا الله عز وجل كسوكي يكور pour adhérer à Jamaat Tabligh doit prendre le son de ce que nous a cité le responsable de Jamaa de cette Jamaa en Arabie Saoudite, le pays du monothéisme. Ce responsable qui est dans un pays du monothéisme croit qu'Allah est partout et qu'il n'est pas au-dessus du tout. Et ça, c'est une mécréance claire, parce qu'il va, il est en contradiction avec les preuves du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, et le consensus des musulmans. Et le consensus sur que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout, au-dessus du trône et au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes les créatures. Mais il est avec ses créatures, avec sa science, avec, il sait ce qu'ils font, il voit ce qu'ils font, tout en étant élevé au-dessus d'eux. Il est dit dans le verset, rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Même pas un atome qu'il y a dans les cieux et sur terre ne lui échappe. Ni plus petit que ça ne lui échappe. Ni plus grand que ça, rien ne lui échappe. Il est dit dans le verset, il sait ce qu'il y a sur la terre ferme, dans les océans, et quand une feuille tombe, chaque feuille qui tombe, il sait là où il tombe et quand est-ce qu'il va tomber. Avant qu'il tombe, il sait qu'il va tomber. Et la petite graine qu'il y a au fin fond des ténèbres de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il la connaît. Ikhwat al-Islam, falyahdhar. Falyahdhar. فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من الانضمام إلى التبليغيين الذين ينكرون علو الله على خلقه ويزعمون أنه في كل مكان تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Donc frère, on a Allah Azza wa Jal, le croyant qui veut conseiller, qui veut se conseiller lui-même et qui veut être de bons conseils pour lui-même, il faut qu'il fasse attention, qu'il n'adhère pas à Jamaat Tabligh, qu'il ne reconnaît pas dans les grands, hein, et ceux qui sont arrivés, Imam al-Qudama, ne reconnaissent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. Ils prétendent qu'Allah est partout. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Hein? Ça, qu'on fasse très attention et qu'on ne se fasse pas avoir avec les ambiguïtés, mais ceci on ne le voit pas autour de nous et ceci on ne le connaît pas, ceux qui sont autour de nous, etc. Craignez Allah azza wa jal, mes frères, et soyez des gens qui acceptent la parole des hommes de science et soyez des gens qui écoute les hommes de science qui ont la preuve avec eux et qui craignent Allah Azza wa Jal. Quand ils parlent pas pour parler, ni parce qu'ils ont la haine contre Jamaat Tabligh. Par Allah, si Jamaat Tabligh enseignait le monothéisme, enseignait l'aqida, enseignait la réelle adoration et le suivi de Mohammed alayhi salatu wasalam, les savants auraient fait son éloge et auraient donné à tout le monde d'y adhérer. Mais ils savent que ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'ils avertissent la jeunesse pour remplir leur devoir du fait de mettre en application le hadith du prophète qui dit « Din, c'est le conseil pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour Oulat al-Amr et pour le commun des musulmans. » Fakhal Islam, le mourad bitiqiq. Le kalima al-tayyiba inda al-tabligiyin. لا إله إلا الله عند التبليغين وتوحيد الربوبية يا أخي الإسلام. ولذلك يفسرونها بقولهم لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، لا مميت إلا الله. وفي هذه السنوات الأخيرة بدأوا يقولون لا معبود إلا الله. عندما كثر نقدهم وكذا بدأوا يقولون لا معبود إلا الله. فهنا الله عز وجل l'accomplissement de la parole sublime qui la ilaha illallah chez Tabligh, sa signification, c'est chez eux, il lui donne la signification du monothéisme, de la souveraineté. Nidin, il l'explique comme ça, qu'il n'y a de créateur qu'Allah, que nous donne la subsistance qu'Allah, nous donne la vie qu'Allah, nous donne la mort qu'Allah, c'est tout. ces dernières années, comme ils ont été trop accusés, trop attaqués, ah, ils commencent à dire il n'y a d'adorer qu'Allah, il n'y a d'adorer qu'Allah. Ils commencent à le dire comme ça, mais ils passent dessus très vite. فتبليغيون يعرضون بالكل عن تخليصي فقبل مناقشة هذه الصفات التبليغية أخي الإسلام يجب أن نعلم كيف يفهمها التبليغيون فلقد وضع التبليغيون ضابطا لفهمهم ودعوتهم وحركتهم وهو كل شيء يسبب النفرة أو الفرقة فيجب على التبليغ البعد عنه وعدم الاقتراب منه ضمن ما يسمونه بالهدايات ويعللون ذلك بأنهم لا يشيرون إلى القذى في أعين إخوانهم وإلى المنكرات في تصرفاتهم ولكنهم يعطونهم المرآة ويوفرون لهم فرصة النظر فيها وتفقد أحوالهم وإصلاح ما فسد منها هذا من كلام الشيخ سعد الحصين بخطه رأي آخر في جماعة التبليغ وهذا كان معهم 10 سنوات Donc avant de débattre et d'étudier et de voir le faux dans Sifat Tiblirin, il faut savoir comment Tiblirin ils comprennent leur Sifat. Parce que Tiblirin, on met des règles pour la compréhension de leur Sifat et pour la compréhension de leur mouvement et pour la compréhension et comment doit marcher leur mouvement et comment doivent se faire la da'wah chez eux. Il y a une règle chez eux, toute chose qui va amener que les gens se sauvent et qui va amener la division, le tabliri, il doit s'en éloigner. Et il ne doit pas s'en approcher. Même si cette chose, c'est le monothéisme. Et ceci, ils le disent dans leur hidayat. Donc le matin, dans les centres, avant qu'ils sortent, avant que les groupes soient éparpillés à travers... Hein, il y a le hidayat, et celui qui fait le hidayat, ben, il donne ses hidayat. Il dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et les choses desquelles il faut s'éloigner, et ainsi de suite. Et ils prennent comme cause, ils disent la cause de tout ça, on agit ainsi parce que on ne désigne pas la saleté qu'il y a dans les yeux de nos frères et les actes blâmables qu'il y a dans leur vie, dans leurs actes. Mais on leur donne un miroir et on leur donne l'occasion de regarder dans ce miroir pour voir leur situation et pour remédier à leurs problèmes eux-mêmes. Retiens bien ça pour que tu comprennes bien. Hein? Fa tabliriyun ya'riduna bil kulli 'an takhlis at-tawhid min shawa'ib ash-shirk wal bid'ah. Limadha? Li'anna haluhum yaqul laysa aqul shirkun yajma'una khayrun min tawhidin yufarriquna wa ana darabtu laka bi amthila al-bariha. Wa bid'atun tajma'una khayrun min sunnatin tufarriquna. Donc les tabliris donnent le dos au fait de parfaire le monothéisme et d'attirer l'attention sur les actes de l'association et sur les innovations et sur le fait de ne pas comprendre les noms d'Allah Azzawajal comme il se doit, etc. Ils sont monothéisme dans l'adoration comme il se doit parce que ceci amène pour eux la division et la divergence et fait que les gens vont se sauver d'eux. Leur situation te dit ainsi. Un monothéisme qui nous sépare, un associationnisme qui nous réunit vaut mieux qu'un monothéisme qui nous sépare. Même s'ils ne le disent pas, mais leur façon de faire, et le fait de ne pas blâmer l'associationnisme, c'est ce que ça veut dire, l'islam. Et ils disent, par leur situation, non pas par leur dire, ils n'oseront pas le dire, mais par leur situation, et par leur façon de faire, ils disent, une innovation qui nous réunit vaut mieux qu'une sunna qui nous sépare. فيعرضون بالكل عن تخليص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فهم يضربون صفحا عن توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء الصفات لأن الكلام في توحيد الألوهية يسبب الفرقة والاختلاف والنفرة بين المسلمين ففيهم القبوري والصوفي وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه يسبب النفرة لأن هناك بينهم أشعرية وماتريدية وجهمية وحلولية وهؤلاء كلهم مختلفون في هذا الباب وأما توحيد الربوبية فكل منتسب للإسلام يقر به ولذلك إذا قام أحدهم ليبين قال الحمد لله الذي خلقنا وأرزقنا وأنعم علينا. Donc, Allah Azzawajal, les tabliris, ne donnent pas l'importance au monothéisme de l'adoration. Parce qu'ils disent qu'ils causent les divisions. Et au monothéisme des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Que le fait d'en parler, ceci va ramener la divergence entre eux. Pourquoi ? Parce qu'au milieu d'eux, il y a ceux qui adorent les tombes. Il y a les soufis. Et pourquoi ils ne parlent pas des noms et du monothéisme des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla ? Parce que parmi eux, il y a les Ash'ari, il y a les Maturidi. Il y a les Jahmites aussi, il y a les Hululites, ceux qui croient en l'unicité de l'existence. Et tous ceux-là sont en divergence dans ce chapitre. Quant au monothéisme de la souveraineté, qu'ils citent Huma dans toutes leurs sources et dans tous leurs bayan, tout musulman, tout homme qui est dans l'islam, toute personne qui est musulmane, confirme le monothéisme de la souveraineté. Tawhid al-Rububiyya. C'est pour ça, quand quelqu'un se lève pour faire le bayan, il dit louange à Allah qui nous a créés, qui nous a donné la subsistance, qui nous a comblés de ses bienfaits, qui a fait que nous nous sommes levés pour faire cette prière, et ainsi de suite. Wa qala Shahd al-Hussein fi kitabi ra'i akhar fi jama'at tabligh. Walakin hunaka khata'un fi al-aqida yaghlub 'ala al-jami'. وهو فهم الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فهما خاطئا لم يقع فيه إبليس عاذنا الله منه ولا مشرك قريش من قبل على أن مقصدها بتعبير المتداول إخراج اليقين بمعنى التوكل الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين على ذات الله أنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف ومن لم يقع في هذا الخطأ منه بلسانه فإنه لا ينكره على غيره تمشيا مع قاعدتهم الأساسية عدم الخوض في الخلافيات وبسبب الجهل الغالب عليهم. Donc Saad al-Hussein de nous éclairer sur ce point et ceci, et j'ai fait exprès de le lire parce que ça nous permet comment le fonctionnement, le mécanisme, comment il est, pour arriver à s'imaginer comment on tombe et comment on se fait avoir, on se fait berner pendant 10-15 ans. Cheikh Saad al-Hussein a dit, ils ont une autre erreur dans l'aqida. C'est beaucoup parmi eux. C'est qu'ils donnent cette définition à la parole sublime, Nidin Detradrouk Allah Azza wa Jal, ils la comprennent avec une mauvaise compréhension. Ils la comprennent d'une façon, même Iblis n'est pas tombé dans cette compréhension. Et même les associateurs de Quraysh ne sont pas tombés là-dedans. Ils disent que le but, selon leur expression à eux, le but de la ilaha illallah, c'est sortir les fausses certitudes sur les choses et rentrer la certitude sur Allah Azza wa Jal, comme quoi il est le créateur, il est celui qui donne la subsistance, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui gère son monde, celui... Et il dit, celui qui ne tombe pas dans cette erreur avec sa langue, il ne la blâme pas. Pourquoi il ne la blâme pas? Parce qu'il met en application cette règle fondamentale qui est le fait de ne pas discuter sur les divergences. De ne pas polémiquer sur les divergences. Et ou alors par l'ignorance qui s'accapare de beaucoup parmi eux. Fa akhal islam hakada. Yajibu alayka an taftana lima hawlak. Yajibu alayka an taftana lima hawlak ya akhal islam. Fa at-tawhid muhimmun. Wa yajibu an nadrusahu. Wa an yakuna nasibu al-asad min waqtina fih. Tawhid al-uluhiyya khasatan. توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية كذلك. فهنا الله عز وجل. Il faut qu'on nous fassions attention. Il faut qu'on s'occupe du monothéisme. Dans toutes ses formes, et surtout le monothéisme de l'adoration, et surtout le monothéisme des noms et des attributs d'Allah عز وجل. Car maintenant, on est entouré de beaucoup de monde. Et vous voyez sur les sites, comment ils ne reconnaissent pas les attributs d'Allah عز وجل. Comment ils déforment les sens des attributs d'Allah عز وجل. Comment ils disent n'importe quoi sur Allah عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التبات أيها الإخوة في الله. فكذلك يقولون الصلاة ذات الخشوع والخضوع. يهتمون بالصلاة ونوافلها ولكن لا اهتمام لهم بفقه الصلاة ولا بتحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فقط شعارات خشوع وخضوع. كيف يكون الخشوع والخضوع بدون فقه في شروطها وأركانها وسننها ومستحباتها؟ ما في عناية بهذا كله. فرأيت صلاة كثير من كبرائهم والله لا إخواننا السلفيين الذين بدأوا وتعلموا صفة صلاة النبي يصلون أحسن منهم، وكثير منهم مقلد أعمى للمذهب الحنفي يضع يديه تحت سرته ولا يرفع يديه في التكبيرات، لأن في المذهب الحنفي لا يرفعونها، فقط يرفعونها في تكبيرة الإحرام. Donc ils disent le deuxième fondement c'est la prière avec concentration et dévotion. Comment ils peuvent arriver à la concentration et la dévotion sans compréhension, sans comprendre les conditions de la prière, les piliers de la prière, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans la prière, parce qu'ils ne s'en occupent pas. J'ai vu la prière de leur grand. Wallahi al-Azim. Il a un jeune salafi qui vient de débuter et à qui on a enseigné la prière du prophète alayhi salatu wassalam, comme il a été rapporté par Cheikh Nasser dans son livre Priez comme vous m'avez prié. Wallah, il prie mieux que lui. 50 ans, 30 ans dans Tablir, Hada, il met encore la main sous le nombril. Il ne lève pas les mains dans Tkbirat, il les lève tout simplement dans Tkbirat l'Ihram. Parce que petit à petit, il devient, même s'il vit en France ou en Europe, il devient sectaire al-Madhab al-Hanafi. Et mais c'est de suivre une voie sans être sectaire à la voie et faire prévaloir la preuve, il n'y a aucun mal là-dedans, akhal islam. L'imam Abu Hanifa a été un grand imam de la communauté. On ne doute pas, akhal islam. Mais la catastrophe, c'est d'être aveugle et de faire une imitation aveugle. Et quand on a la preuve, on la met de côté, on se dit, moi, je suis Hanafi. Là, il est la catastrophe. Beaucoup parmi eux, d'origine maghrébine, maintenant, ils agissent comme des Hanafi. Alors qu'à la base, ils étaient des Maliki. Mais ce n'est pas la question d'être Maliki ou d'être Hanafi, là où il est le problème. Il n'y a aucun problème qu'une personne prennent une école de jurisprudence. Mais il prend une école de jurisprudence, qu'il soit Hanafi, Hanbali, ou Shafi'i, ou Maliki, en prévalant, en mettant en avant la preuve. C'est-à-dire, contre la preuve et contre ce qu'il y a dans le Madhab, il laisse ce qui est décrété dans le Madhab, il prend la preuve. Fansallah, subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. Fahada. لا يمكن أخ الإسلام أن يتحقق الخشوع والخضوع في الصلاة عند القبور. فالمركز الرئيسي المسمى نظام الدين في دلهي يشمل 4 قبور في الركن الخلفي. في الركن الخلفي من المصلى، وهي قبور محمد إلياس وابنه محمد يوسف واثنين آخرين. وهذا نص عليه كتبه الشيخ سعد الحسين كان معهم 10 سنوات في كتابه رأي آخر في جماعة التبليغ. Donc, frère Allah Azza wa Jal, comment on peut arriver à une concentration, à une diversion, alors que dans le centre, on ne peut pas y arriver chez les Tablighi, alors que dans le centre d'El Tablighin, le centre international d'El Tablighin, qui s'appelle Nidam Din Adili, il y a 4 tombes au coin, derrière, au coin de la Moussallah. Et les tombes sont la tombe de Mohamed Ilyas, de son fils Mohamed Youssef et 2 autres. Ceci est rapporté par Saad al-Hussein, qui était 10 ans avec eux et qui a eu beaucoup de conversations et de correspondances avec Inam al-Hassan et avec leurs grands. Il les a côtoyés. Donc il rapporte, il a vu de ses propres yeux. قال الشيخ تويجري رحمه الله وهذا شبيه بفعل اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد وكان يجلس في الخلوة قرب السيد نور محمد البدايوني ويصلي بالجماعة هناك. أعوذ بالله. قال الشيخ تويجري رحمه الله وهذا شبيه بفعل اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع وأخبر أنهم من شرار الخلق عند الله والحديث صحيح. Donc الشيخ تويجري de nous dire رحمه الله et ceci ressemble à l'acte des juifs et des chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes et de leur homme vertueux comme mosquée. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a maudits pour l'acte qu'ils ont fait. Et il a dit que ce sont les pires des créatures chez Allah azza wa jal. ونقل محمد أسلم عن مؤسس جماعة التبليغ محمد إلياس أنه كان يجلس أكثر الأحيان خلف قبر عبد القدوس الكنكوهي، وكان يجلس في الخلوة قرب قبر السيد نور محمد البديوني ويصلي بالجماعة هناك. وهذا عن جماعة التبليغ لمحمد أسلم رحمه الله. دونك محمد أسلم aussi qui a écrit un livre et qui le connaît bien, c'est un Pakistanais qui le connaît bien. Il dit du fondateur de Jama'at Tabligh, Mohamed Ilyas, qu'il s'assied des fois à côté de la, derrière la tombe de Abd al-Qaddous, le Kankouhi. Et il s'assied aussi dans, en retraite à côté de la tombe de Cheikh Nour Mohamed, le Badayouni. Et il priait en groupe derrière cette tombe. Là-bas, à cette place, il priait derrière cette tombe. وذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله وهو من علماء المغرب رحمه الله تعالى أن أحد رؤساء التبليغيين أخبره أنه أقام يوما وليلة في قبة تعبد من دون الله وصلى في المسجد المتصل بها خمس صلوات، وهو يعلم ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إيه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى qui a écrit aussi un livre sur eux سراج المبين في بيان في التحذير من جماعة التبليغ il l'a écrit en 1979 Rahimahullah ta'ala. Et son livre, c'est une interprétation de la, du livre de Mohamed Aslam le Pakistanais. Rahmatullahi alayhim jami'an. Et Cheikh Taqid Dil Hilali, Rahimahullah ta'ala, dit que l'une des têtes de la Jama'at Tabligh lui a annoncé qu'il est resté une journée, une nuit, dans le mausolée, dans un mausolée qui s'adore en dehors de Allah Azza wa Jal. Et il a prié dans la mosquée qui était collée à son mausolée. En sachant le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, du hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui disait, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, maudits, sont maudits les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées. Ils avertissent contre ce qu'ils ont fait. Et si ce n'est pas ainsi, s'il n'avait pas peur que sa tombe soit prise comme mosquée, il aurait été apparent de sa tombe. Salawat al-Bi wa salamu alayhi. Wa an Umm Habiba kadhalik wa Umm Salama radiyallahu anha أنهما وصفتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وما فيها من تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. دوك أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهما a décrit au prophète عليه الصلاة والسلام une quand ils étaient en Abyssinie, ils lui ont décrit une église en Abyssinie et lui ont cité les beautés qu'il y avait dans cette église et ce qu'il y avait comme photo, etc. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ceux-là, ce sont les pires des gens. Quand un homme pieux parmi eux meurt, il construit sur sa tombe une mosquée, et ils font ses photos, ils l'embellissent avec ses photos. Ceux-là, ce sont les pires de la création, de la créature d'Allah Azza wa Jal. Fa yaqul le cheikh تقي الدليل الهلالي فلعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى إنما وقع لتحذير أمتي أن يعملوا مثل عملهم، ومن صلى عند قبر فقد اتخذ ذلك المكان مسجدا أي موضع سجود سواء أكان عليه بناء أم لا. الشيخ تقي الدليل الهلالي رحمه الله دون دير لفت كل رسول صلى الله عليه وسلم أمودي لجويف الكريتيان pour que sa communauté ne tombe pas et ne fasse pas la même chose qu'eux. Et celui qui prie à côté d'une tombe, il a pris cette tombe comme mosquée et comme endroit de prosternation. Soit il y a la construction dessus ou il n'y a pas la construction dessus. ويقول الشيخ تقي الدين الهلالي فقلت له أي لهذا التبليغ الكبير كيف تترك خمس صلوات ولا تخاف لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عمل ذلك العمل ومن ترك صلاة واحدة حتى خرج جميع وقتها فهو كافر بإجماع الصحابة. فيقول الشيخ تقي الدين فلم يستطع جوابا ولو أجاب وافشى السر لقال إني صليت في ذلك الوطن توددا إلى المشركين يقبلوا دعوتي للخروج إلى السياحة ويعلموا أني مسالم لهم غير منكر لهم. فما أشد شؤم هذه الدعوة النحسة على أهلها والتي توقع في ترك الصلاة وهو كفر، والصلاة التي صلوا عند الأوتان باطلة قطعا لأن القبول لا يجتمع مع لعن فاعلها. والصلاة عند جماعة التبليغ عند أكثرهم وعند الذين ذهبوا إلى الهند والباكستان من المغاربة والفرنسيين وغيرهم صلاة مقيدة بالمذهب الحنفي. Donc, frère en Allah, Azzawajal, après, Cheikh Taqi Dil Hilali pose la question à ce grand tabligh, lui dit, comment tu délaisses toi cinq prières et tu n'as pas peur de cette malédiction du prophète, alayhi salam, pour celui qui a fait cet acte? Et il lui dit, celui qui délaisse une prière, juste que son temps est sorti de la prière, il est mécréant, avec le consensus des compagnons. Parce que Cheikh Taqi Dil Hilali, rahmatullah alayhi, voit que le fait que celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Donc il dit, rahimahullah, que ce tabligh n'a pas su répondre. Et s'il avait répondu, ben, il aurait divulgué son secret. C'est-à-dire qu'il a prié là-bas, dans cette tombe, dans là où il y a ce mausolée, pour se rapprocher de ses associateurs qu'il y a là-dedans. Et pour qu'ils acceptent des da'wah pour sortir avec lui dans son tourisme. Et qu'ils sachent qu'il est bien avec eux, qu'ils ne blâment pas ce qu'ils font comme associationnisme. Donc, il dit, Cheikh Taqi Dil Hilali, il est mauvaise une da'wa. C'est une da'wa mauvaise pour ces gens, que cette da'wa qui envoie les gens à délaisser la prière. Et le fait de délaisser la prière, c'est une mécréance. Et le fait qu'ils prient des prières dans des mausolées, qui s'adorent en dehors d'Allah, Azzawajal, c'est une prière non avenante, car l'acceptation ne peut pas être réunie avec la malédiction. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prend l'acte des juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris quoi? Les tombes de leurs prophètes comme mosquées, ou les tombes de leurs vertueux comme mosquées. Ben, c'est ça, pour avertir la communauté. Et celui qui agit ainsi rentre dans cette malédiction. Et la prière chez Tablir Ikhwat al-Islam, il faut savoir qu'il est conditionné. Tout Tablir qui aura fait 106 jours, la première fois, la deuxième, la troisième, en Inde et au Pakistan, il devient sectaire à la voix de l'Ahnaf. Regarde chez les anciennes. Observe-les, tu vas voir. Observe-les dans ta mosquée, tu verras. Fakhal Islam, hada huwa al-haq. Wa tablighiyuna yarawna qissatan laqanaha lahum Umar Paranpoli, alladhi yusammunahu amirul arab. خلاصتها أن جماعة تبليغية خرجت إلى إحدى القرى فوجدوا أهلها يطوفون حول قبر شيخ فذهب أمير الجماعة وصار يطوف مع الطائفين وأثناء طوافه قال لكبير أهل القرية أتدري ماذا قال للشيخ يعني صاحب القبر قال كبير القوم لا قال أمير الجماعة التبليغية إنه أخبرني أنكم يجب أن تخرجوا معنا في سبيل الله. عندئذ خرج كبير القوم وطائفة من أهل القرية وأثناء الخروج تعلموا أن الطواف بالقبور لا يجوز فأراد كبير أهل القرية أن يعود ويهدم القبر ويزيله فقال له أمير الجماعة التبليغية لا ينبغي لك هذا ولكن افعل مع أهل قريتك كما صنعت معكم. Et ça, c'est véridique, frère en Allah, Azzawajal, s'il est tabligh. Regarde cette histoire qu'il rapporte de Omar Paranpoli, le prince, celui qu'ils appellent Amir des Arabes. Et le résumé de cette histoire, c'est que Jama'a Tabligh est sorti une fois dans l'un des villages. Ils ont trouvé les gens de ce village en train de tourner autour d'une tombe. Et l'émir de cette Jama'a qui est arrivé là-bas a commencé à faire tawaf autour de la tombe. Autour de la tombe. Il a fait comme les associateurs. Et il a commencé à faire tawaf. Et il a dit au grand du village, tu sais ce qu'il m'a dit votre shir? C'est-à-dire celui qui tourne, qui dort dans la tombe. Regardez sur quoi ils basent leur dawa. Est-ce que les morts parlent à l'islam? Regardez comment. Regardez ces ruses. Est-ce que dawa et la religion a besoin d'agir ainsi? Il dit, est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Le shir, c'est-à-dire celui qui est dans la tombe. le grand de ce village, il lui a dit non. Et l'émir de cette jama'a lui a dit, il m'a annoncé qu'il est obligatoire pour vous de sortir avec nous. Regardez comment. Regardez ces futilités, et ce faux et ce blâmable qu'ils utilisent pour que les gens sortent avec eux. Le mort m'a dit qu'il est obligatoire que vous sortiez avec nous. Et quand il lui a dit ça, et qu'il a fait le tawaf avec eux, le grand de cette tribu est sorti avec eux, avec quelques gens. Et il dit, soi-disant, quand ils ont terminé le khuruj, Hada, le grand, et ceux qui étaient avec lui, ils ont compris que tourner autour des tombes est mauvais, il n'est pas permis, et il voulait revenir à son village et casser la tombe, et l'enlever. Mais le tablighi lui dit, l'amir tablighi lui a dit, non, il ne faut pas faire comme ça, mais fais comme j'ai fait avec toi. Mais regardez sur quoi est basée cette da'wa. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, سلام والعافية صلى الله سبحانه وتعالى أن تبتنا وإياكم يا إخوة على منهج سلفنا الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه فتأتي كذلك مثلا صفة العلم أخ الإسلام يقولون العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكر فحتى العلم الذي جعله من أصولهم فهو فقط علم الفضائل وليس المسائل فقط الفضائل فضل الصوم فضل الصلاة فضل القراءة أما الأحكام الشرعية الحلال والحرام وشروط العبادة هذه ما يرفعون لها رأسا يبقى التبليغ جاهلا طول عمره وفي هذه السنوات الأخيرة بدأوا يوجهون أتباعهم إلى الانخراط في شط شينيو أو إلى الدراسة بالمراسلة في شط شينيو مدرسة العقلانيين وفيها تدرس العقيدة الأشعرية كجوهرة التوحيد وغيرها وما إلى ذلك وكيف أشاروا على أحد الفرنسيين في بداية التسعينات عدم الالتحاق بالجامعة الإسلامية في ذلك الوقت أتى بعض المشايخ ليسجلوا الفرنسيين من هنا من فرنسا فالتقوا بشاب في مدينة لونس وهو فرنسي جديد عهد بالإسلام فأرادوا أن يأخذوه للجامعة الإسلامية وقال لهم سأذهب وأستشير مع المشايخ فعندما استشار المشايخ أشاروا عليه ألا يذهب حرموه من العلم حرموه من الذهاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ كيف مرة عندما دخل علينا هذا بن نونة أحد كبرائهم كان هنا في فرنسا والآن هو في المغرب دخل علينا وقال عندما لأنه رأى أن كثير من الشباب خرجوا من الجماعة فدخل علينا في بيت أحد الإخوة كنا نجتمع فيه ونتدارس فيه وكان على الطاولة صفة صلاة النبي وهذا ثلاثة الأصول وكان في السبورة مكتوب العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة فبدأ يتكلم ويهدد بطريقة غير مباشرة وعندما في الأخير سأل أحد إخواننا الفرنسيين الذين هو معنا قال أنت ماذا تفعل تتعلم قلنا لو هذا في هذه السنة كان اللقاء هذا اللقاء دخل علينا هذا الرجل منذ 11 سنة أو أكثر إلى هذا البيت و قلنا له هذا الأخ سيذهب إلى المدينة للدراسة فقال فتوجه إليه وقال أعطيه هدايات حتى لا يقع الهدايات سيعطون لهم العلماء هناك سيتعلموا الهدايات ويتعلموا كل شيء بإذن الله كذلك مرة في الحج الذي أحرقت فيه حتى تروا أن كبارهم لا يعطون أهما لا يقيمون وزنا للعلم كان في تلك السنة عندما احترقت منن احترقت الخيام وزع كتاب تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام فكان أحد الإخوة السعوديين أعطاني كمية كبيرة فكنت أوزعها وكنت في السكن فأتى هذا وسام ليزور أحد كبار التبليغيين في العمارة فسلمت عليه وتكلمت معه وبعدها أعطيته الكتاب وجلس مع الناس هناك وبدأوا يتكلمون وعندما قام ترك الكتاب نظر إلى الكتاب وتركه ولم يلقي له وزنا انظر هذا كتاب مهم فيه فتاوى عن أركان الإسلام وهذا من كبرائهم هنا في فرنسا وترك هذه الهدية وهم يقولون تهادوا تحابوا كيف دونك لا تخوزيام فوندمون سي كوا سي العلم مي لا سيونس دي كيل ساجي سي سي لا سيونس دي فيرتو لا سيونس دي فيرتو اي نون با لا سيونس دي سوجي دو لا جوريسبرودونس Et la science des vertus avec dhikr, avec l'invocation. Donc, même les ilms, ils l'ont fait l'un de leurs fondements, mais tout simplement la science des vertus. Ils n'ont pas les sujets de la jurisprudence de l'aqida. Tout simplement les vertus de Ramadan, les vertus de Somme, les vertus de la prière, les vertus, etc. Quant aux sentences de la législation, le halal, le haram et les conditions de la prière, hada, il dit, chacun doit l'apprendre chez lui. On verra qu'est-ce que ça veut dire, chacun doit l'apprendre chez lui. Donc, il ne donne pas d'importance au fait d'apprendre ce qui est halal, ce qui est haram. Et tablir, il peut rester plusieurs années avec tablir, mais il sera toujours ignorant. Et ces dernières années, ils ont vu qu'il y a eu trop de critiques et qu'ils sont critiqués de partout. Hein, et ils commencent à orienter leurs jeunes et certains de leurs imams à apprendre à Château Chinon, même par correspondance. Cette école qui est une école de la raison, dans laquelle on étudie le dogme des Ash'ari, Jawharat Touhid et autres, comme j'ai vu le programme, et ainsi de suite, ils les ont orientés vers là. Pourquoi ils les ont orientés, à votre avis, là? Là-bas, c'est une fondation d'Yel Ikhwan. Donc, quelque part, ils se rencontrent ensemble sur le sophisme. Le fondateur d'Yel Ikhwan est Sophi, et le fondateur d'Yel Tablir est Sophi. Donc, ils ont des points en commun. Et aussi, au début des années 90, pour que tu comprennes comment ils sont une barrière contre la science. Un jeune Français, au nord de la France, à Lens, certains machaïrs sont venus. À cette époque, il est venu Cheikh Abdelrazzaq Al-Badr, Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala et d'autres, et c'est Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad qui est venu chercher notre frère Ammar. Hein? Et il semble que cette année-là même, ils ont rencontré un jeune Français quelque part à Lens, dans une mosquée à Lens à côté du terrain, et ils lui ont proposé de le prendre pour aller étudier. Il a dit, je vais voir le Machaïr, comme c'était un tabliri. Et quand il a été voir le Machaïr lui a interdit d'aller étudier à Médine. Quel bien il y a dans cette année. Et une fois aussi, en 98, Hada Ben Nouna, qui était un de leurs grands ici au nord de la France et en France, il est parti maintenant à Fès et il est venu chez un frère pour nous réprimander quelque part parce que beaucoup de jeunes ne sortaient plus dans la région. Mais il a dit, soit disant, je viens visiter mon frère en Allah, c'est-à-dire l'un de leurs anciens qui était 20 ans avec eux, qui nous a ouvert sa maison et une place dans sa maison pour enseigner, pour apprendre à nos frères les rudiments du manhaj salafi, de la prière du prophète, selon le livre d'El Cheikh Nasser, etc. Et on était là, et on était trois à ce moment-là. Les autres n'étaient pas arrivés, et tout d'un coup, il arrive avec son beau-frère, et ils arrivent. Et quand il est rentré, regardez comment il est rentré. Une belle barbe et tout ça. Laisse ça, tout ce que tu veux, laisse une apparente. Mais il tapait avec le bâton sur la terre. Et il invoquait Allah, subhanahu wa ta'ala, avec tout simplement en disant Allah, Allah, Allah. Et après, il nous parlait. Et après, à un moment donné, bon, il nous a fait des menaces indirectement, comme il nous l'a fait, Hada Younes Ben Tounes. On reviendra là-dessus plus tard quand on parlera de Ikram al-Muslimin, comment il est réellement chez Jamaat Tabligh. Et après, il s'est retourné vers un jeune Français qui était avec nous, qui s'appelle Brahim. Il lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sors, etc. Il lui a dit, avant, je sortais, maintenant, je ne sors plus. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? On lui a dit, Inch'Allah, cette année ou l'année prochaine, il va être à Médine. Il s'est tourné vers moi, il m'a dit, fais-lui les orientations, qu'il ne s'égare pas. Il dit, comment? Il dit, c'est les hommes de science là-bas à Médine qui vont lui faire les orientations. Ainsi, Akhal Islam Ishan. Nous allons arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et on continuera demain, Inch'Allah. Même heure, même place. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu alaykum. Wa jazakumullahu khairan.